Chapitre 26e. André n'eut pas le courage de s'occuper de meubler un appartement pour s'y installer avec sa femme. Après les rêves qu'il avait faits, la pensée de choisir le moindre objet pour une autre que Marguerite lui était absolument odieuse. L'idée d'introduire Rose dans son logis de garçon, plein de l'image de la jeune fille, était tout aussi inacceptable. Langlois lui trouva un appartement meublé, qu'un couple étranger venait de quitter et où se trouvaient réunis tous les conforts d'une existence aisée. C'est là qu'un soir, à l'heure du dîner, Juste et sa femme se trouvèrent en tête à tête, servis par une nouvelle bonne, qu'ils regardaient curieusement du coin de l'œil, toute fière de servir un monsieur et une dame qui avaient été dans les journaux et qui avaient passé devant le tribunal. Après ce repas que ne purent égayer ni la bonne volonté d'André qui se résignait, faute de pouvoir faire autrement, ni l'aisance de commande que Rose pouvait et savait apporter dans une situation difficile, les époux se trouvèrent dans un salon, grand, bien meublé, bien éclairé, mais où rien ne représentait de souvenir, et cela encore était un bienfait pour eux. André lut le journal jusqu'au nom de l'imprimeur. Rose tira d'un panier un petit ouvrage de femme qu'elle feignait de continuer activement, et les heures passèrent, lentes et lourdes, jusqu'au moment où la pendule sonna 10 heures. Le timbre résonnait encore quand le jeune homme se leva et dit à sa femme avec une froide politesse « Je me retire. Bonsoir, madame. »« Bonsoir, monsieur. » répondit Rose en lui adressant un signe de tête affectueux, mais réservé. Il sortit du salon et gagna sa chambre située à l'autre extrémité de l'appartement. Elle prêta l'oreille un instant, essayant de savoir le moindre bruit. Au bout d'un quart d'heure, elle crut l'entendre sortir discrètement, et en effet, la porte d'en bas se referma lourdement presque aussitôt. Elle courut à sa chambre, d'où la fenêtre obscure lui permettait de regarder au dehors sans être aperçue. C'était bien son mari, en effet. Peu soucieux d'être épié, il avait traversé la rue et marché rapidement sur le trottoir opposé, se dirigeant du côté de la Seine. Une jalousie folle et féroce saisit le cœur de Rose. Où s'en allait-il ainsi dans la nuit, voir celle qu'il aimait, sans doute? Rose se dit alors que ses Langlois avaient toujours comploté contre son bonheur. Autrefois, c'était Langlois qui la persécutait et mettait en relief aux yeux d'André les fautes de sa femme. Maintenant, c'est cette jeune fille qui était un obstacle. « À quoi ?» se demanda Rose en arrêtant brusquement ses réflexions. Elle revint au salon, s'assit à la place qu'elle avait occupée pendant la soirée, et machinalement ses yeux se portèrent vers le fauteuil d'André. 8 jours s'étaient écoulés depuis la séance du tribunal. Pendant ce temps, hormis lors de leur premier entretien, elle avait à peine entrevu son mari. Mais de chaque courte entrevue, elle avait emporté un désir plus âpre, plus intense de le revoir et de l'étudier de près. Quelle que fût la cause secrète, peut-être inexplicable, de ses sentiments, Rose sentait qu'elle s'attachait étrangement à André. Elle se reprenait à penser au temps de leur mariage avec une joie et une émotion singulières. « Il m'aimait alors, » se disait-elle, « comme il m'aimait. » Il fallait l'avoir bien aimé, en vérité, pour l'avoir épousé, avec ses froideurs et ses colères sans raison. Puisqu'il l'avait aimé, pourquoi ne l'aimerait-il pas encore? Cet homme digne et calme, qui avait su trouver pour l'accueillir un maintien tel qu'il ne resta point son obligé. Lorsqu'elle lui rendait spontanément le plus grand de tous les services, cet homme, son mari, si dédaigné jadis, lui paraissait plus grand que nature. Elle sentait qu'à sa place, elle n'eût pu retenir un mouvement d'indignation, au souvenir du passé, ou des larmes brûlantes, à l'idée du service rendu. Elle lui témoignait quelques faiblesses, elle en était sûre, et lui s'était montré inébranlable. Et implacable aussi. Il la mépriserait toujours, quoi qu'elle fît, c'était certain. Cependant, même en méprisant, on peut aimer. Ce n'est pas le plus noble de tous les amours que celui-là, mais Rose s'en contenterait. Si elle pouvait seulement faire oublier à André qu'il avait voulu épouser Marguerite, ce triomphe lui suffirait. En attendant, il s'en allait seul, vers un but connu de lui seul. Il allait voir Marguerite, sans doute. Rose resta immobile, pelotonnée dans son fauteuil, cherchant comment elle pourrait bien écarter la jeune fille de son chemin sans s'aliéner le cœur d'André. Au bout d'une demi-heure, elle entendit la porte cochère se refermer et un pas mesuré monta l'escalier. « C'est lui !» se dit-elle, surprise des battements désordonnés de son cœur. Elle éteignit la lampe tout en hâte et se retira dans sa chambre à coucher. En effet, c'était André. Il rentra prudemment, mais sans affectation de secret, et gagna son appartement particulier. Il est resté dehors trop peu de temps pour l'avoir vu, pensa Rose. Elle s'endormit avec de vagues rêves de réconciliation, entrevus comme dans un brouillard. André n'avait pas vu Marguerite, mais l'avait fait ce soir-là comme il devait le faire dorénavant, la promenade que, depuis sa sortie de prison, aucun temps ne pouvait l'empêcher d'accomplir. Il avait été s'appuyer pendant 2 minutes sur le parapet du quai, en face de la maison de Marguerite, pour regarder les fenêtres, dont la lueur douce filtrait à travers les persiennes. C'était désormais son unique joie, et dans ce court pèlerinage, il dépensait toutes les aspirations, tous les regrets, toutes les angoisses contenues de la journée. Il en rapportait toujours une consolation si intime et si profonde qu'il parvint à s'endormir, oubliant que celle qui avait été sa femme reposait maintenant sous le même toit.